Ah, je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Je me suis rappelé tous les sacrifices que tu as faits pour ta Valérie. Elle n'est pas et ne sera jamais ingrate. Tu seras mon seul mari. Ne pense plus aux 1 200 francs de rente que je te demande pour ce cher petit Hector, qui viendra dans quelques mois. Je ne veux plus rien te coûter. D'ailleurs, ma fortune sera toujours la tienne. Ah, si tu m'aimais autant que je t'aime, mon Hector, tu prendrais ta retraite. Nous laisserions là chacun nos familles, nos ennuis, nos entourages, où il y a tant de haine, et nous irions vivre avec Lisbeth dans un joli pays, en Bretagne, où tu voudras. Là, nous ne verrions personne, et nous serions heureux, loin de tout ce monde. Ta pension de retraite, et le peu que j'ai en mon nom, nous suffira. Tu deviens jaloux. Eh bien, tu verrais ta Valérie occupée uniquement de son Hector, et tu n'aurais jamais à faire ta grosse voix comme l'autre jour. Je n'aurai jamais qu'un enfant, et ce sera le nôtre. Sois-en bien sûr, mon vieux grognard aimé. Non, tu ne peux pas te figurer ma rage, car il faut savoir comment il m'a traité et les grossièretés qu'il a vomies sur ta Valérie. Ces mots-là saliraient ce papier, mais une femme comme moi, la fille de Montcornet, n'aurait jamais dû dans toute sa vie en entendre un seul. Oh, je t'aurais voulu là pour le punir par le spectacle de la passion insensée qui me prenait pour toi. Mon père aurait sabré ce misérable. Moi, je ne peux que ce que peut une femme, t'aimer avec frénésie. Aussi, mon amour, dans l'état d'exaspération où je suis, m'est-il impossible de renoncer à te voir. Oui, je veux te voir en secret, tous les jours. Nous sommes ainsi, nous autres femmes. J'épouse ton ressentiment.